sont les vrais. Ceux qui t'aiment vraiment, pas ceux qui attirent les blêmes. Même si jalousie et haine s'amènent, dans la vie faudra que tu démènes. Où sont les vrais? Ceux qui t'aiment vraiment, pas ceux qui attirent les blêmes. C'est moi qui n'amène que les emmerdes. Même dans la vie faudra que tu démerdes. Qui sont les vrais? Ceux qui t'aiment vraiment, pas ceux qui attirent les blêmes. Alors en cas de blême, écoute ton cœur. Passe aux apparences ou aux humeurs. Quand j'y pense, j'ai peut-être trop fait confiance. Qu'aujourd'hui je pense cette innocence. Besoin de vacances, ressentir l'insouciance. Partir loin de tous ces blêmes qui n'ont plus de sens. Qui sont les vrais? Ceux qui t'aiment vraiment, pas ceux qui attirent les blêmes. Même si jalousie et haine s'amènent, dans la vie faudra que tu démènes. Où sont les vrais, ceux qui t'aiment vraiment, pas ceux qui attirent les blêmes. C'est moi qui n'amène que les emmerdes. Mène dans la vie faudra que tu démerdes. Qui sont les vrais, ceux qui t'aiment vraiment, pas ceux qui attirent les blêmes. Alors si tu ressens trop de mots, y'a des trucs, leur écris quelques mots à ceux qui t'ont déçu. Ou alors la solution qui souvent rapplique, ce silence qui irrite et rend hypocrite. On critique celui ou celle qu'on a adoré, ça s'envoie des pics. Alors est-ce que je saurais dire qui sont les vrais? Ceux qui m'aiment, moi-même, je peine savoir qui m'aime. Merde, de toute manière, on fait notre chemin. Ça passe, ça part et ça revient demain. Qui sont les vrais? Ceux qui t'aiment vraiment, pas ceux qui attirent les blêmes. Même si jalousie et haine s'amènent, dans la vie faudra que tu démènes. Où sont les vrais? Ceux qui t'aiment vraiment, pas ceux qui attirent les blêmes. C'est moi qui n'amène que les emmerdes. Mène dans la vie faudra que tu démerdes. Qui sont les vrais? Ceux qui t'aiment vraiment, pas ceux qui attirent les blêmes. Mec, tu l'as compris, suffit pas de sourire. Les vrais, ça va être là quand tu vas mourir. Qui sont les vrais? Bah ouais, refrain. On se la posait pas la question à la récré, mais maintenant on a tous nos intérêts. C'est pourquoi j'annonce le décès de la sincérité. Par contre, se sent si mal quand quelqu'un te trahit. Tu te sens sali de son amitié que tu renies. Oui, ce monde tourne grâce au focus. C'est la réalité et tout le monde l'a vécu. Des amis franc et sincère, c'est très rare. Trop de paroles en l'air pour des petites histoires. Au final, c'est que du vent. Et puis bien souvent, on se revoit pour se dire c'était mieux avant. Qui sont les vrais? Ceux qui t'aiment vraiment, pas ceux qui attirent les blêmes. Même si jalousie et haine s'amènent, dans la vie faudra que tu démènes. Où sont les vrais? Ceux qui t'aiment vraiment, pas ceux qui attirent les blêmes. C'est toi qui n'amène que les emmerdes. Mène dans la vie faudra que tu démènes. Qui sont les vrais? Ceux qui t'aiment vraiment, pas ceux qui attirent les blêmes. Triste quand un couple s'aime, de la haine plus personne s'aime. On est tous sans gêne. En général, l'amitié d'un pote banalise. Puis tu réalises que c'est l'heure de faire tes valises. Tu balises et l'amitié du balai. Pas la peine de râler, c'est que c'était pas un vrai. J'ai toujours dit les amis c'est comme des baskets. Tu traînes avec et t'en changes quand ça te pète. Ouais, j'ai toujours dit les amis c'est comme des baskets. Tu traînes avec et t'en changes quand ça te pète. Qui sont les vrais? Ceux qui t'aiment vraiment, pas ceux qui attirent les blêmes. J't'ai dit les amis c'est comme des baskets. Tu traînes avec et t'en changes quand ça te pète. Qui sont les vrais? Ceux qui t'aiment vraiment, pas ceux qui attirent les blêmes. J't'ai dit les amis c'est comme des baskets. Tu traînes avec et t'en changes quand ça te pète.